Calcifère avec moi, j'ai le calcifère. On a chaleur, froid, ça fait longtemps que le chauffage est éteint. Never surrender. j'avais rien lâché, sauf prise. Lâcher. Butterfly, dragonfly. C'est vrai, il fait froid un peu. Faut rallumer le feu. Observer. Pousser. Allumettes, comme la petite fille aux allumettes, craquer les dernières allumettes. Flambeau. Moi je sais que 1, 2, 3, 4, 5, 6, si je dors jusqu'à 9h, ça